Bismillah, alhamdulillah, wa salati wa salam ala rasulillah. Nous continuons donc le chapitre 3 de notre livre Fiqh al-Ad'iyya wal-Azkar. Et ce chapitre est en réalité la continuité des deux chapitres que l'on a vus auparavant, c'est-à-dire les bénéfices du rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به ثم قال العز شيئا لم أفهمه قلت لأبي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم يمسه النار أو لم تمسه النار. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Tirmidhi, et il est donc authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallah. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur dit « La ilaha illallah, Allah Akbar », Allah tabaraka wa ta'ala dit « Mon serviteur a dit vrai, la ilaha illa ana wa ana akbar, nulle divinité sauf moi et je suis le plus grand ». Lorsque le serviteur dit « La ilaha illallah wahda », c'est-à-dire seul, Allah dit « Mon serviteur a dit vrai, nulle divinité à part moi seul. » Lorsqu'il dit « La ilaha illallah, la sharika lahu », c'est-à-dire « pas d'associé hein, », il n'y a pas d'associé, Allah dit « Mon serviteur a dit vrai, nulle divinité à part moi, je n'ai pas d'associé. » Lorsque le serviteur dit « La ilaha illallah, le roi, à lui la louange », Allah dit « Mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas de divinité à part moi, le roi, et à moi la louange. » Et lorsqu'il dit « La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah », Allah dit « Mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas de divinité à part moi, et nulle, aucune puissance et aucune force que en moi. » Et l'A'az a dit « Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. » Et j'ai demandé à Abu Ja'far, et il a dit que celui qui dit cela, au moment de sa mort, le feu ne lui sera pas touché. Celui qui dit cela, donc aux affres de la mort, au moment de la mort, le feu ne le touchera pas. Le feu ne le touchera pas. Naam. On sait bien que celui qui dit « La ilaha illallah » avant de mourir, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, donc ce sera une intercession pour lui. Ce sera en réalité, cette parole-là, elle sera en réalité une intercession qui est pour lui. C'est un hadith qui est authentique. Parmi les bénéfices, toujours, c'est que celui qui se rappelle beaucoup d'Allah, abondamment d'Allah, en vérité, il est protégé contre l'hypocrisie. Car les hypocrites ne se rappellent que très peu d'Allah. Allah dit « Wa la yathkurun Allah illa qalila » vis-à-vis des hypocrites dans Sourate An-Nisa, verset 142. Ils ne se souviennent que très peu d'Allah. C'est-à-dire, ce peu-là, en plus, c'est quoi le peu? Que veut dire en vérité le peu? Le peu afin que les gens voient un minimum. C'est pour montrer aux gens, c'est ça ce peu. C'est pas qu'ils le font peu sincèrement. C'est que ce peu-là, c'est que pour que les gens voient. Yura'un an-nas. Et Ka'b, rahmallah, wa radiallahu anhu, dit Man akthara zikrallah, azza wa jal, bariya min an-nifaq. Donc Ka'b, radiallahu anhu, a dit celui qui se rappelle abondamment d'Allah est quoi? Innocenté de l'hypocrisie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine dans Surat al-Munafiqin, donc dans le dernier, donc il termine, c'est-à-dire dans Surat al-Munafiqin, lorsqu'il parle d'eux, il dit Ya ayyuhal ladina amanu, la tulahikum amwalukum, wa la awladukum an zikrillah, wa man yafhal dhalika fa ulaika humun khasirun. Regardez par quoi Allah termine. Ô ceux qui ont cru, que vos enfants et vos biens ne vous distraient pas du rappel d'Allah, qu'ils ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela, ce sont eux, bien sûr, ceux qui seront réellement les perdants. Donc voici comment Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient contre la fitna des hypocrites, ceux qui en vérité délaissent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tombés, bien sûr, ils sont tombés dans l'hypocrisie. Wal'iyadu billah. On questionna Ali ibn Abi Talib sur Al-Khawarij. Et on dit, est-ce qu'ils sont hypocrites? Il dit, Al-Munafiquna la yathkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites ne se rappellent d'Allah, ne se rappellent que très peu d'Allah. Et ça, c'est en vérité un signe d'hypocrisie que de se rappeler très très peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi les bénéfices, c'est que c'est une guérison pour les cœurs. Donc, une guérison pour la maladie du cœur. Et Makhoul dit, Rahmallah, Zikrullah ta'ala shifa, wa zikrun nas da. Vous voyez cette parole. Le rappel d'Allah, c'est une guérison. Et le rappel des gens, c'est une maladie. Hey, naam. Naam. On a des fois souvent tendance à oublier Allah et trop parler de tel et d'un tel et d'une telle. Que ce soit en bien ou en mal. Que ce soit en bien ou en mal. On oublie. On leur donne trop d'importance, que ce soit ou bien en mal. Et aussi, bien sûr, le cœur va en vérité donc faire disparaître cette dureté du cœur. Cette dureté du cœur, naam. Et le cœur, justement, il est dur si on ne se rappelle pas d'Allah ce matin-là. Un homme est venu voir Hassan al-Basri et a dit, Ya Abba Saïd, ashku ilayka quswata qalbi. Qala adhibhu bil-dhikr. Donc il lui dit, je me plains auprès de toi, hein, de quswata qalbi, de la dureté. Donc de la dureté de mon cœur, il dit, ramollis-le ou adoucis-le, hein, donc rends-le plus moins dur par le rappel. Par le rappel. Donc il va le ramollir par ce rappel. Et parmi les bénéfices aussi, c'est que le rappeleur se rapproche donc du rappelé. Il devient proche du rappelé. C'est pour ça qu'Allah dit, Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui ont cru, ceux qui ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Et ça, c'est en vérité une ma'ya qui khassa. Ça devient le fait d'être proche, mais bien sûr en spécificité. Donc il sera en vérité proche. C'est spécifique. Non, c'est pas général. Et puis Allah dit aussi, Wallahu ma'as-sabirin. Et Allah est avec les patients. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah lama'a al-muhsinin. Lama'a al-muhsinin. Certes, Allah est réellement avec les bienfaisants. Donc les versets sont Surat al-Nahl, verset 128, Surat al-Baqarah, verset 249, et Surat al-Ankabut, verset 69. Et aussi, dans le hadith Qudsi, Allah dit, Ana ma'a abdi ma dhakarani wa taharrakat bi shafatah. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, Ta'liqan wa Ahmad ibn Majah wa Al-Hakim et d'autres encore. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, je suis avec mon serviteur tant qu'il se rappelle de moi, et que ses lèvres se remuent. Et c'est que les élèves se remuent par ce rappel. Et aussi parmi toujours les bénéfices, c'est qu'il fait, il nous apporte des grâces. Il nous protège de ce qui est mauvais. Naam. Allah dit, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Certes, Allah défend ceux qui croient. Et c'est dans Sourate Al-Hajj, verset 38. Donc Allah va défendre selon en proportion de du niveau de la foi. Du niveau de la foi. Plus elle est complète, plus tu seras protégé, plus tu seras défendu. Moins elle sera complète, moins la personne elle sera défendue. Et parmi aussi les bénéfices, c'est que le fait de se rappeler abondamment d'Allah, ça fait naître, hein, ça fait vivre et ça fait revivre en vérité les adorations. Ça fait vivre les adorations. Naam. Car le rappel d'Allah remplace les adorations qui sont soit du corps, ou par les biens, ou autre, ou par le corps et le bien, comme le Hajj Tatawar par exemple. Naam. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il y a des muhajiroun qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils ont dit, Ya Rasulallah, Zahaba ahlul duthur bil ujur, wa na'im al muqim, yusalluna kama nusalli, wa yassumuna kama nassum, wa lahum fardu amwalihim, yahujuna biha, wa ya'tamirun, wa yujahiduna, wa yatasaddaquna, qala, ala u'allimukum shay'a, تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة إلى آخر الحديث وهو متفق عليه donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Hurairah rapporte que les muhajirins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et a dit, donc les gens qui ont de l'argent, les riches, nous ont devancés dans les hasanats et dans les bienfaits qui demeurent, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Ils prient comme nous avons prié, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils donnent du surplus de leur argent et ils font le hajj et la umra. Donc ils accomplissent le hajj et la umra et ils combattent fisabilillah. Et il donne aussi fisabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que je vais vous enseigner quelque chose qui va faire que vous allez arriver au niveau de ceux qui vous ont devancé et vous allez devancer ceux qui sont derrière vous et que personne ne pourra faire mieux que vous que s'il fait ce que vous avez fait. Et ils ont dit, oh que oui, ô envoyé d'Allah. Il leur a dit, tusabbihun وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. Donc les duas que vous connaissez après chaque prière, hein, les 33 fois il a khili, les duas qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à dire en vérité après chaque prière obligatoire. Et ce hajj, afwan, ce rappel, va quoi? Va permettre de combler le vide qu'il y a eu parce que tu n'as pas eu moyen, tu n'as pas les moyens d'effectuer le hajj, la umra et autres. Naam. Et tu pourras devancer les gens par rapport à ce rappel. Non. Et bien sûr, si les gens qui sont riches, en plus de leurs bienfaits, font le rappel comme toi, ben, ils t'auront dépensé. Ils t'auront bien sûr devancé. Et ça, c'est bien sûr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَى. Cela, en vérité, est le bienfait d'Allah, il le donne à qui il veut. Non. Le hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Hakim, où un arabe est venu dire, oh envoyé d'Allah, il y a donc pour moi énormément de rites de l'islam. Donc annonce-moi et donne-moi, hein, quelque chose qui va être général, donc un acte qui va être général, qui me sera suffisant. Il dit, rappelle-toi d'Allah, sois assidu, rappelle d'Allah. Et il lui dit, cela me sera suffisant, au envoyé d'Allah. Il a dit oui. Et cela est un bienfait pour toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est donc ici en tant que conseiller, a quoi? A ordonné et demandé à cette personne, à cet arabe, d'invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. D'invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala, surtout que l'arabe a demandé quelque chose qui me sera suffisant. Car il y a énormément de rites de l'islam et je ne suis pas capable de tout faire en réalité. C'est trop pour moi. Donne-moi au moins quelque chose qui sera général et qui va être vraiment profitable pour moi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a bien sûr dit Alayka bi zikrillah, Alayka bi zikrillah. Donc rappelle-toi d'Allah. Rappelle-toi d'Allah. Naam. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.